16-28. Observation, connaissance. Connaître et savoir. Révision. Vous connaissez le Pays Basque? Oui, je le connais très bien. J'y vais tous les étés. Vous savez où est le Pays Basque? Oui, c'est dans le sud-ouest de la France. Vous connaissez la tante de Mireille? Oui, je la connais très bien. Je la vois très souvent. Vous savez comment s'appelle la tante de Mireille? Oui, elle s'appelle Georgette. Vous connaissez Rémi Bello? Non, je connais son nom, c'est tout. Vous savez qui est Rémi Bello? Oui, c'est un poète du XVIe siècle. Vous connaissez Paris? Oui, je connais très bien. Ça fait 20 ans que j'y habite. Vous savez combien font 12 fois 12? Oui, ça fait 144.